Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant « Vous me faites mal avec votre barbe !» Alors, je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. « Marie, sais-tu lire ?»« Oui, » a-t-elle répondu. « Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. » « Voyons, lis un peu, lui ai-je dit, en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. » « Et c'est toujours. Voyons, lis !» Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. « A-R, ar, R-E-T, ré, arré. » Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher, à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer !» Je l'ai remise à sa bonne. « Emportez-la !» Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire.